والعلوم وغير ذلك. وفي الحديث: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وإذا سادت الأمانة في المجتمع عظم تماسكه وقوي ترابطه وعم فيه الخير والبركة. أما الخصلة الرابعة فهي حفظ الفروج، أي من أن تفعل الحرام أو تقع في الباطل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي حفظ الفروج حفظ للنسل ومحافظة على الأنساب وطهارة للمجتمع وسلامة من الآفات والأمراض. والخصلة الخامسة من هذه الخصال العظيمة هي غض البصر، أي من النظر إلى الحرام. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. وغض البصر فوائده عظيمة، فهو يورث العبد القوة، قوة القلب وحلاوة الإيمان ونور الفؤاد وزكاء النفس وصلاحها. وفيه وقاية من التطلع للحرام والتشوف للباطل. أما الخصلة السادسة فهي كف الأيدي عن إيذاء الناس أو الاعتداء عليهم أو التعرض لهم بسوء. والمؤذي لعباد الله يمقته الله ويمقته الناس وينبذه المجتمع، وهو دليل على سوء الأخلاق وانحطاط الآداب. وإذا كف الإنسان أذاه عن الناس دل ذلك على نبيل أخلاقه وكريم آدابه وطيب معاملته، وحظي بعظيم موعود الله في ذلك. فكيف إذا سما خلق الإنسان وعظم أدبه ولم يكتف بذلك حتى أماط الأذى عن الطريق، عن طريق المؤمنين وجادتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجر على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. هذه أبواب الجنة ومناراتها ظاهرة وسبيلها ميسرة، فليغتنم ذلك أو فلنغتنم ذلك قبل الفوات، ولنستكثر لأنفسنا من الخير قبل الممات. وإذا كان المعروف لدى الجميع أن لغة الضمان تجد في أوساط الناس اهتماما بالغا وعناية كبيرة في بيعهم وشرائهم وعموم تجارتهم، فليس السلع المضمونة والبضائع التي عليها ضمانات في المكانة لدى الناس كالسلع التي عليها ضمان. وهنا يؤكد شدة اهتمام الناس بالشيء المضمون أكثر من غيره مما ليس كذلك. وعلى تفاوت كبير فيها من حيث مصداقيتها. ولذا يشتد اهتمام الناس بهذا أكثر. وإذا كان صاحب الضمان معروفا بالصدق متحليا بالوفاء والأمانة كانت الأمور التي ينال بها الضمان أمورا يسيرة سهلة، لا تلحق الناس شططا ولا تكلف عنة. فكيف إذا كان الضمان أو كيف إذا كان الضامن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ كيف إذا كان المضمون الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ وكيف إذا كانت الأمور التي ينال بها هذا الضمان أمورا سهلة وأعمالا يسيرة لا تتطلب جهدا عظيما ولا كبير مشقة؟ فتأملوا عباد الله واجتهدوا في هذه الخصال. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Il a été rapporté selon Ubadah ibn Samit radiallahu anhu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: garantissez-moi 6 choses de vos personnes et je vous garantis le paradis. Soyez véridiques lorsque vous parlez et gardez vos engagements lorsque vous faites une promesse, et rendez le dépôt lorsqu'on vous confie quelque chose, et préservez vos parties intimes, et baissez vos regards et gardez vos mains. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad qui a été déclaré Hassan par l'imam Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ce sont 6 actions que celui qui les fait dans sa vie et qu'il préserve ces actions-là durant toute sa vie jusqu'à sa mort, il aura en garantie le paradis en retour. Et la première de ces caractéristiques, c'est d'être véridique dans nos paroles. Et le croyant doit toujours être véridique quand il parle et ne dire que la vérité. Et le croyant ne ment jamais et il ne doit jamais trouver une voie vers le mensonge. Et il doit toujours rester sincère et véridique durant toute sa vie. Et s'il reste sincère et véridique et qu'il ne dit que la vérité jusqu'à sa mort, il aura comme récompense le paradis. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: soyez des gens qui disent la vérité, qui sont véridiques. Parce que le fait d'être véridique, c'est quelque chose qui amène à la bonté. Et la bonté mène au paradis. Et une personne ne cesse d'être véridique et se force elle-même, la personne se force elle-même à dire la vérité tout le temps, jusqu'à ce qu'elle soit écrite auprès d'Allah comme étant une personne véridique. En ce qui concerne la deuxième caractéristique, c'est la caractéristique de respecter nos engagements et nos promesses et nos ententes. Et c'est une des caractéristiques parmi les plus importantes des caractéristiques des croyants et des pieux. Le croyant ne connaît pas, ou on ne trouve pas un croyant, un vrai croyant, qui manque à son engagement et à sa promesse et qui brise ses ententes. Et le fait de respecter nos ententes et nos promesses, c'est une des caractéristiques fondamentales de toute société musulmane. Et cette caractéristique, elle englobe toutes les interactions qui peuvent se produire dans la société. Donc toute interaction, toute relation sociale, elle doit être établie sur le fait de respecter nos engagements et d'être une personne honnête et fiable. Et lorsque, dans une société, on a perdu cette caractéristique, eh bien, les gens perdent confiance les uns envers les autres, et il y a ensuite des mauvaises relations entre les hommes, et on voit par la suite que les gens ne font plus confiance l'un aux autres, les uns aux autres, et que les uns s'enfuient des autres. En ce qui concerne la troisième caractéristique, c'est le fait de faire preuve d'honnêteté lorsqu'on nous donne un gage ou un dépôt et qu'on nous confie quelque chose. Une des plus importantes caractéristiques du bon comportement que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié, c'est le fait justement de garder les dépôts. Et ça fait partie des choses qui ont été glorifiées, qui montrent qu'une personne a de la foi et qu'elle a un islam qui est bon. Donc le fait de préserver Al-Amana, de préserver le gage et le dépôt, c'est quelque chose qui préserve la religion, qui fait en sorte que l'honneur des gens est préservé, qui fait en sorte que les biens, les corps, les âmes et même la science est préservée. Et comme c'est mentionné dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il mentionne que le croyant est celui en qui les gens ont confiance pour leur dépôt, et qu'ils se sentent en sécurité vis-à-vis d'eux, dans leurs biens et dans leurs personnes. Donc le croyant, tu n'as pas à craindre de lui pour ta personne ou pour tes biens, tu es en sécurité avec lui. Donc ça, c'est une des caractéristiques du croyant. Et lorsque cette caractéristique règne dans la société, Al-Amana, le fait d'être fiable et d'être honnête et de garder nos gages, lorsqu'on nous confie quelque chose, eh bien c'est quelque chose qui fait en sorte que les liens entre les gens deviennent de plus en plus solides. Et il y a du bien et de la bénédiction qui remplit la société. En ce qui concerne la quatrième caractéristique, c'est celle de préserver nos parties intimes. C'est-à-dire de préserver nos parties intimes, de tomber dans des choses haram et de faire des choses qui sont mauvaises. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, dans Surat al-Ma'arij, il glorifie ceux qui préservent leurs parties intimes, sauf pour leurs épouses ou celles que leur main droite possède, parce que ceux-là, ils ne peuvent pas être blâmés. Toutefois, ceux qui transgressent et qui vont au-delà de ça, alors ceux-là sont les transgresseurs, c'est-à-dire ceux qui ont des rapports charnels en dehors du mariage. Avant le mariage, ou après le mariage, mais avec des personnes avec qui ils ne sont pas mariés. Donc ça, c'est un des plus graves parmi les péchés et parmi les turpitudes. Et donc, il faut préserver les parties intimes. Parce que le fait de préserver les parties intimes, de tomber dans le haram, c'est quelque chose qui préserve notre progéniture, qui préserve nos liens de parenté et qui préserve notre honneur aussi. Et c'est quelque chose qui garantit la pureté dans la société et qui également garantit contre la protection contre différentes sortes de maladies qui se propagent dans des sociétés où les gens ne respectent pas cette chose et où ils ne préservent pas leur partie intime. La cinquième caractéristique, c'est une très grande caractéristique et très importante parmi les caractéristiques du croyant. C'est le fait de baisser le regard devant des choses qui sont interdites ou haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et dit aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. Et certes, il est bien informé de ce que vous faites ou de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes, aux femmes croyantes, qu'elles baissent leur regard et qu'elles préservent leur partie intime, et qu'elles ne divulguent leur parure, excepté ce qui en paraît naturellement, et qu'elles rabattent leur voile, leur khumur, sur leur djouyoub, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine ou bien sur l'ouverture de leurs vêtements, et qu'elles ne dévoilent leur parure que à leur mari, et jusqu'à la suite, jusqu'à la fin de ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne à qui la femme a le droit de montrer certaines de ses parures. Et donc le fait de baisser le regard, parmi ses bienfaits, il y a le fait que cela apporte ou procure aux croyants la douceur de la foi. Il va goûter à la douceur de la foi. Il va avoir la lumière, le cœur illuminé. Et son cœur sera renforcé. Et son âme sera purifiée. Et il y a dans ça également une protection contre le fait de rentrer dans ce qui est haram ou de regarder ce qui est mauvais et faux. En ce qui concerne la sixième caractéristique, c'est la caractéristique de préserver ou de garder nos mains, c'est-à-dire de ne pas faire du tort aux gens avec nos mains et de ne pas transgresser contre eux ou de leur faire du tort. Parce que celui qui fait du tort aux serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le déteste. Et les hommes le détestent, et la société le repousse, et c'est une preuve d'un mauvais comportement et des manières qui sont qui sont basses. Donc, lorsque quelqu'un se retient de faire du tort aux gens, cela montre que cette personne a un bon comportement, qu'elle est noble dans sa manière et dans ses façons d'interagir avec les autres, et elle aura comme portion la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. Et que dire si la personne fait plus que cela et commence même à essayer d'augmenter encore plus son bon comportement jusqu'à enlever du chemin ce qui peut nuire les croyants dans leur chemin. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Huraira radiallahu anhu, qu'un homme est passé sur le chemin et il a vu une branche d'arbre qui obstruait la voie. Alors il s'est dit à lui-même, par Allah, je vais retirer du chemin des musulmans ce qui peut leur causer du tort. Et il a été entré au paradis à cause de ça. Donc ça, c'est parmi les portes du paradis et parmi les phares apparents, des moyens qui sont faciles pour entrer au paradis. Alors profitez de ces moyens-là qui sont faciles, ne les laissez pas vous échapper et essayez d'en faire le plus possible, de pratiquer ces points-là le plus possible avant la mort. Parce que les gens, en général, c'est devenu populaire, c'est devenu connu chez les gens aujourd'hui, que tout ce qui est garanti parmi les marchandises quand ils vont au magasin, eh bien, ils donnent à ces marchandises-là une grande importance dans leurs ventes et dans leurs achats. Lorsqu'ils trouvent une marchandise qui a une bonne garantie, ils donnent à cette marchandise-là plus d'importance qu'une marchandise qui n'a pas de garantie. Et surtout si la personne qui garantit cette marchandise-là a une grande crédibilité et que c'est une personne qui est connue pour son honnêteté. Alors les gens donnent à cette marchandise encore plus d'importance. Et encore plus si la personne qui offre cette garantie-là est connue comme une personne véridique, qui respecte ses dépôts et ses engagements. Et surtout si les éléments qui sont nécessaires pour obtenir cette garantie-là sont des éléments qui sont faciles et qui ne demandent aucune difficulté et aucune chose lourde. Alors que dire de la garantie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée? Il nous garantit le paradis si on lui garantit six choses qui sont parmi les choses les plus faciles. Et c'est le véridique, celui qui ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et la chose qu'il nous a garantie, c'est quoi? C'est le paradis, dont la largeur est plus grande que les cieux et la terre. Et dans ce paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu,